Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Quatrième épisode. L'annonce. Au commencement de son enquête sur la disparition de Manèche, Mathilde a contacté les proches de ses quatre compagnons d'infortune. Mais ni Thérèse Guignard, la femme de Sissou, ni Petit Louis, le meilleur ami de l'Esquimau, n'ont pu lui en dire plus qu'elle ne savait déjà. Quant aux compagnes de Benoît Notre-Dame, alias cet homme, et d'Ange Bassignano, le délinquant de Marseille, elles avaient toutes deux quitté leur lieu de résidence. Mathilde avait pour parrain un ami de son père, un avocat de 50 ans, très séduisant malgré ses cheveux en moins, Pierre-Marie Rouvière. Quand elle était enfant, il l'avait souvent grisée avec des calissons d'Aix et autres gourmandises. Mais c'est pour ses seules compétences juridiques que Mathilde était allée le voir en arrivant à Paris au début d'octobre 1919. Dans son bureau, au mur capitonné de velours, elle lui avait patiemment répété l'histoire de Bingo Crépuscule et de la disparition de Manèche. L'avocat avait levé les bras au ciel. 5 soldats ligotés, traînés jusqu'à une tranchée de première ligne, jetés à l'ennemi par-dessus les barbelés, et dans la neige en plus. Mais c'est complètement grotesque. Encore une de ces affabulations qui ont fleuri comme pissenlit tout au long de la guerre. Mais pourquoi le sergent Esperanza aurait-il inventé tout ça? Il est mourant, il n'a rien à y gagner. Mais enfin, Mathilde, réfléchis. Tu crois qu'on n'avait pas mieux à faire dans cette tranchée en janvier 17 que de balancer des condamnés à mort par-dessus le parapet pour économiser des cartouches? Parce qu'il avait depuis toujours pour Mathilde une affection déraisonnable, et parce que, en tant que parrain, il se sentait une responsabilité envers elle, Pierre-Marie Rouvière avait cependant noté les noms des lieux et des soldats qu'elle lui disait, et promis d'enquêter de son mieux pour éclaircir son histoire extravagante. Quelques semaines plus tard, il l'avait appelée pour proposer d'aller la voir dans l'appartement de ses parents, rue Lafontaine. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Ma petite Mathilde, il faut d'abord que tu me promettes que tout ce que je vais te dire restera entre nous. Tu comprends, les informations que j'ai obtenues m'ont été fournies par un ami officier d'état-major qui s'est beaucoup exposé et à qui j'ai moi-même donné ma parole de garder le secret absolu. Je vous promets, Pierre-Marie, que je serai une tombe. Bien. J'ai donc rencontré cet ami officier plusieurs fois ces dernières semaines. Ensemble, nous avons pu recueillir des documents, des témoignages. Si certains semblent confirmer le récit de ton sergent, là... Daniel Esperanza. Je dois te redire que nous restons tous les deux convaincus que cette histoire ne tient pas debout. Les choses n'ont pas pu se passer comme ça à Bingo Crépuscule. C'est impossible. Donc Bingo Crépuscule a bien existé? Oui. Là-dessus, comme sur quelques autres détails, cela ne fait aucun doute. Je vais te lire les notes que j'ai prises. Où sont passées mes bicycles? Elles sont sur votre nez, parrain. Merci. Bingo Crépuscule est l'appellation d'une tranchée allemande occupée par les nôtres en octobre 1916, numérotée 108 dans un secteur du front de la Somme aux environs de Bouchaven. Vous permettez quand même que je prenne des notes? En janvier 1917, elle se trouve à la jonction des troupes françaises et britanniques. Elle est le théâtre de furieux combats dans la journée et la nuit du dimanche 7. Le 8 et les jours suivants, selon des accords pris à l'automne entre les deux armées, les Britanniques relèvent nos troupes dans ce secteur. Il est exact que le capitaine Étienne Favourier, 35 ans, commandait le demi-bataillon engagé dans les tranchées 108 et 208 le dimanche 7 janvier 1917. Il est également exact que le lieutenant Jean-Jacques Estrangin, 25 ans, était à la tête de la compagnie de Bingo Crépuscule, à laquelle étaient affectés les caporaux Urbain Chardolot et Benjamin Gordes, ainsi que le soldat Célestin Poux. Vous voyez bien que ce n'était pas une affabulation. Mon ami officier a eu en main l'état des pertes du 7 janvier. Parmi 50 tués figurent les noms de Favourier et d'Estrangin. Parmi 74 blessés, celui de Benjamin Gordes. Gordes ? Il est peut-être toujours vivant. Et il y a autre chose, Mathilde. Sur la liste des tués, 5 sont mentionnés comme détachés au bataillon le 6 janvier. Alors, il s'agit de Kléber Bouquet, Francis Guignard, Benoît Notre-Dame, Ange Bassignano. Et que veux-tu, les choses sont ainsi. Manesh Etcheverry. Continuez. Le lieutenant médecin Jean-Baptiste Santini, 27 ans, a bien trouvé la mort dans un bombardement à Combles le 8 janvier 1917. Il est aussi exact qu'un régiment de dragons se trouvait cantonné en janvier 17 dans le même secteur que le hameau rasé, Tancourt, où les condamnés auraient été conduits et remis à la garde d'Esperanza. Mais mon ami officier qui a eu accès au dossier de ce régiment m'a affirmé qu'aucune mission d'accompagnement de ce genre n'a été rapportée à la date du samedi 6 janvier. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le procès a bien eu lieu, exactement à l'école communale de Dandrechain, près de Suzanne, dans la Somme. 26 soldats et 2 caporaux d'un corps d'armée qui s'étaient mutilés de la même façon ont été jugés par le conseil de guerre les 28 et 29 décembre 1916. 14 soldats et un caporal, en l'occurrence Francis Guignard, ont été condamnés à la peine de mort. Les autres ont écopé de 20 à 30 ans de travaux forcés. Donc il y a bien eu des condamnés Attends, à la Mathilde, peine... je n'ai pas fini. Comment crois-tu que nous ayons obtenu ces précisions ? Je suppose qu'il doit rester des comptes rendus des conseils de guerre dans les archives de l'armée, non ? Mon ami officier n'a pas pu retrouver les minutes du procès de Dandrechain. Il n'y en a aucune trace. Mais il a retrouvé mieux. Le nom du capitaine d'artillerie qui a défendu Manesh au procès. Continuez. Figure-toi, Mathilde, que ce capitaine, je le connais. Il était avoué à Levallois avant la guerre. Il n'exerce plus aujourd'hui, il vit de quelques rentes et de sa pension d'invalide. Il a perdu un fils aux éparges, une jambe en Champagne, sa femme dans la grande épidémie. Je l'ai rencontré hier. Vous êtes allé chez lui ? Dans son pavillon, oui. Il y vit entre ses livres et ses chats. Il m'a fait une révélation de taille. Laquelle ? Les 15 condamnés à mort, tous, ont été graciés par le président Poincaré le 2 janvier 1917, soit 4 jours avant l'affaire de Bingo Crépuscule. Leurs peines ont été commuées en travaux forcés. Le défenseur de Manesh a reçu notification de la grâce le 4 janvier dans son cantonnement. Mais les autorités concernées ont dû être prévenues avant lui, par télégramme. Vous êtes sûr que cette notification existe ? Mais je l'ai vue. J'ai lu le nom de Manesh et celui des 14 autres condamnés. J'ai vu la date et la signature de Raymond Poincaré. Peux-tu imaginer qu'il se soit trouvé un seul chef de nos armées pour passer outre à cette signature ? Mais, et si la grâce était arrivée trop tard ? Si les condamnés étaient déjà en route ? Mais impossible ! Depuis la suppression des cours martiales, la loi interdit toute exécution avant que le président de la République ait pu exercer son droit de grâce. Donc, on attendait sa décision. Elle pouvait arriver un peu plus tôt, un peu plus tard, mais trop tard, jamais. Jamais. Cela va de soi. Rien ne va de soi, surtout en temps de guerre. Mathilde, j'aurais préféré taire cela pour ne pas ajouter de vains regrets à ton chagrin. Mais les 2 autres groupes de condamnés à mort ont été récupérés et reconduits à Dandrechain, où on leur a signifié leur commutation de peine. Aujourd'hui encore, tous les 10 sont vivants. Ils cassent des pierres au bagne de Guyane. Rien ne prouve qu'ils aient été reconduits. Mathilde, sois raisonnable. Manesh est mort. Il est mort dans le feu des combats comme des milliers d'autres et non pas victime de je ne sais quelle aberration judiciaire. Je suis désolé, Mathilde, mais les choses sont ainsi. Donnez-moi le nom de cet avoué à Levallois. Je ne peux pas. Vous partez ? On m'attend au tribunal. Je suis déjà en retard. C'est froid ! Quelle chouchotte ! Bon, je compte jusqu'à 3 et à 3, je te lâche. Non, attends, attends. Un... Non, pas tout de suite, pas tout de suite. 2... Non, Manège, s'il te plaît. 3. Je flotte. Tu vois que c'est pas de la camelote, mes flotteurs en liège. Bon, maintenant, étends les bras de chaque côté, comme si tu déployais tes ailes. Mes ailes? Mais je vais pas voler alors que je suis dans l'eau. Allez, fais comme moi. Oh, je nage. Ma neige. Regarde. Je nage. Regarde-moi. Je nage. Ma petite Mathilde, vois-tu, il n'y a pas eu que des tonnes de fer et de feu dépensées dans cette guerre. Mais presque aussi lourdes de paperasse. Il faudra des mois, probablement des années, pour les acheminer, les rassembler, les dépouiller toutes. À défaut d'être convaincue, sois patiente et prudente. Parce qu'il en coûte cher de toucher à certains tabous en ce moment. Mathie ? Mathie, ça ne va pas ? Quoi ? Tu n'as pas touché à ton assiette. À quoi penses-tu ? Je pensais à mon cadeau de Noël. Ah, mais voilà qui nous intéresse. Alors dis-nous, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je voudrais publier une annonce dans les journaux. Une annonce ? Dans les journaux ? Et aussi dans ces revues des combattants où tout le monde recherche tout le monde. Eh ben, oui, pourquoi pas ? Je sais déjà comment je la rédigerai. En lettres capitales, bingo crépuscule. Entre parenthèses en dessous, tranchée de la Somme, secteur de Bouchaven. Et encore en dessous, récompense pour toute information sur journée 6, 7 et 8 janvier 1917, ainsi que sur caporaux Urbain Chardolo, Benjamin Gordes, Célestin Pou et tout combattant à cet endroit en cette date. Bon, si c'est ce que tu veux. Dès que cette fichue grève des journaux sera terminée, je te promets d'aller me renseigner sur les modalités de ce genre de publication. Merci, papa. Excusez-moi. Oui, Paulette, qu'est-ce que c'est ? C'est pour Mademoiselle Mathilde. Monsieur Petit Louis souhaiterait lui parler. Petit Louis ? Qui c'est ça ? Je le connais. Mais vous ne connaissez pas toutes mes fréquentations, maman ? Allô ? Excusez-moi de vous déranger, Mademoiselle Mathilde, mais je viens de voir un client qui connaissait Biscotte, lui aussi. Vous savez, le grand ami de l'Esquimau. Oui, oui, je vois, et bien ? Je lui ai demandé s'il se souvenait de son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait Gordes, avec un S. Benjamin Gordes. Mademoiselle, je suis passée avant-hier chez Petit Louis pour lui souhaiter la bonne année. Il m'a raconté la conversation que vous avez eue à l'automne dernier. Je voudrais d'abord que vous sachiez que j'aimais Kléber jusqu'à la moelle, même s'il m'a fait souffrir. J'étais sûre qu'à sa prochaine permission, on se réconcilierait. Je pensais pas qu'il allait mourir à la guerre. Ça me paraissait impossible. D'ailleurs, il y a des nuits où je le crois toujours pas, et je vais vous dire pourquoi. Une femme à l'accent du midi est venue me trouver début mars 1917 à mon travail. C'est elle qui m'a appris ce que je devine que vous savez déjà depuis longtemps et que vous non plus vous n'avez pas voulu dire à Petit Louis, cette histoire de coup de fusil dans la main et la condamnation de Kléber. Cette femme revenait de la zone des armées où son homme à elle avait été condamné pareillement, avec trois autres encore. Alors je me dis que votre fiancé était peut-être lui aussi parmi ceux-là. Elle m'a dit qu'ils n'ont pas été fusillés mais emmenés en première ligne pour se faire tuer par les Allemands. Elle espérait que son homme en avait réchappé. Et elle semblait certaine que Kléber était toujours en vie. Quand je lui ai demandé si elle en avait la preuve, elle m'a répondu « C'est tout comme. Je vous en supplie, ne me mentez pas. Si le vôtre vous a fait signe, dites-le-moi. Ils doivent se cacher ensemble. Je les sortirai de là tous les deux. » Si j'ai bien saisi, vous aussi vous espérez pour le vôtre. En tout cas, je crois qu'on est dans le même bain toutes les deux. Alors autant mettre carte sur table. Moi, c'est d'instinct, et seulement par moments, que je crois mon Kléber encore en vie. J'ai aucune raison, même la plus petite, pour douter qu'il est mort en janvier 17. C'est seulement cette femme qui m'a déboussolée avec son histoire. À mon avis, elle ne savait pas non plus si son homme était vivant. Mais elle a appris quelque chose qu'elle garde pour elle et qui prouve que l'un au moins des soldats condamnés s'en est sorti. Peut-être est-elle venue également vous trouver ? Je vous en prie, dites-le-moi. Et si vous en savez plus que j'en sais, soyez sincère. Petit Louis m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien. Alors ne me faites pas languir. Véronique passe avant. Adolphe Le Prince, 3 rue des Dames, Paris, 25 janvier 1920. Mademoiselle, je profite que c'est dimanche pour vous écrire, rapport à votre appel que j'ai lu dans Le Bonhomme. J'ai fait toute la guerre dans l'infanterie, sauf en 18 quand j'ai été blessé à une jambe par les shrapnels. Après, on m'a versé dans l'artillerie de campagne. J'ai connu cette tranchée que vous indiquez, sauf que c'était pas aux mêmes dates. J'y étais dans la fin de novembre 1916, après que les coloniaux l'ont prise aux boches. Et je crois pas vous fâcher si je vous rectifie sur le fait que c'était pas bingo, mais bing au crépuscule. Je me souviens très bien de l'écriteau en bois que les bonhommes avant nous avaient cloué sur une poutre qui servait de soutènement. Pour les noms des personnes que vous cherchez, j'ai connu un caporal Gord. Il n'était pas de mon régiment, mais je crois me rappeler que c'était un homme assez grand, avec la moustache tombante et plutôt triste. Je veux dire qu'il avait l'air encore plus triste que nous autres. Sinon, c'était un caporal très estimé. Je voudrais pas vous faire de la peine, mais je crois bien qu'il a été tué dans la période que vous dites, d'après ce que m'a dit un camarade Wagmestre. Un jour de janvier 17. Mais comme le prénom de ce Gord, je l'ai jamais su, c'était peut-être pas le vôtre. Célestin Pou, en tout cas, c'est sûrement le même. Je crois pas qu'il y en ait deux comme lui dans cette guerre. C'était le plus grand émerdard et chapardeur que j'ai jamais vu. On l'appelait la terreur des armées. C'était un gars de l'île d'Oléron, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et un sourire à bercer les sergents fourriers. J'ai encore entendu parler de lui en 18, à Saint-Mihiel dans la Meuse. Ce qui veut dire qu'il avait déjà échappé à beaucoup de choses. Démerdard comme il était, si vous cherchez un peu du côté des Charentes, vous verrez sûrement qu'il vit encore. Je vous souhaite de retrouver ceux que vous aimez, mademoiselle. Et si vous passez par les Batignolles, n'hésitez pas à venir me voir. Bonne considération. Adolphe le Prince. Germain Pire, pire que la fouine. Filatures et recherches en tout genre. 52 rue de Lille, Paris. Mardi 23 mars 1920. Mademoiselle, suite à votre annonce dans le Figaro, je ne vous propose pas expressément mes services quand bien même ils ont satisfait la presque totalité de mes clients. Je tiens simplement à vous informer, à titre bénévole, que parmi ces clients, j'ai compté l'an dernier une madame Benjamin Gord, dont l'époux caporal d'infanterie a disparu sur le front de la Somme en janvier 1917. Vous comprendrez que la discrétion professionnelle m'interdit de vous dire le résultat de mes démarches. Je ne peux que vous donner l'adresse de celle qui est la seule à pouvoir le faire, si elle y consent, 43 rue Montgallet à Paris. Il va de soi que si je peux vous être utile en votre propre problème, je suis à votre disposition pour vous communiquer mes tarifs. Sincèrement à vous. Germain Pire. Madame veuve Alphonse Chardolot, 25 rue des Ardoises, Tours. 28 mars 1920. Mademoiselle Donnet, je suis la maman d'Urbain Chardolot, caporal en 1916, nommé sergent en juin 1917, blessé en Champagne le 23 juillet 1918 et décédé pendant son évacuation. Urbain était notre fils unique. Mon mari n'a pas supporté de le perdre. Il est mort de désespoir à 53 ans au début de l'an dernier. Je pense que vous aussi avez souffert de la perte de l'un des vôtres et que c'est la raison de votre annonce dans l'illustration. Je vous réponds parce que mon fils y est désigné, ainsi qu'un lieu et une date dont il a parlé brièvement lors d'une permission à la fin de janvier 17. Urbain se trouvait dans une tranchée de la Somme, surnommée Bingo, 2 semaines auparavant. Il nous a dit que quelques jours après le nouvel an, on avait amené de l'arrière 5 soldats français condamnés à mort parce qu'ils s'étaient tiré un coup de fusil dans une main. Ils ont été jetés, les bras attachés dans le dos, entre leur tranchée et celle des Allemands. Mon mari, qui était un homme de bon sens et fier de notre armée, ne pouvait pas croire à cette histoire. Je me rappelle qu'Urbain a crié « Vous avez le crâne bourré, vous ne pouvez plus rien comprendre !» On a perdu la moitié de notre compagnie pour cette saloperie. Plus tard, il s'est calmé. Vous avez raison, j'ai dû rêver tout ça. Et aussi que je les ai vus tous les 5 morts dans la neige. Sauf qu'au moins 1, si ce n'est 2, n'était pas celui que je m'attendais à trouver là. Je sais, mademoiselle, que ce que je vous écris est terrible. Sans doute êtes-vous l'ami, la sœur ou la fiancée d'un de ces condamnés. Croyez que j'ai été tourmentée par cette idée avant de vous répondre. Mais c'est exactement ce que j'ai entendu de la bouche de mon fils. Je suis prête, s'il en était besoin, à confirmer devant quiconque, pour l'amour de lui, mon témoignage. Je me permets de vous embrasser comme une sœur de deuil. Roselyne Chardolo. Voilà, tu es bien là. Tu peux me remettre mon coussin, s'il te plaît. Merci. Sylvain, si Urbain Chardolo a dit vrai à ses parents, un, voire même deux soldats ont sans doute survécu à Bingo. Pour l'un, Tina Lombardi semble certaine qu'il s'agit de l'Esquimau. Mais pour le second, elle veut désespérément croire que c'est son Nino. Qu'est-ce qui pourrait lui faire penser à l'Esquimau plutôt qu'à un autre? Je ne sais pas. Elle a dû trouver un indice, quelque chose qui le différencie. La main blessée? Pour trois d'entre eux, c'est la droite. Pour l'Esquimau et Sissou, c'est la gauche. La couleur des yeux, peut-être? Manèche et Sissou ont les yeux bleus. Les trois autres ont les yeux sombres. Alors l'âge, tout simplement. L'Esquimau est le plus vieux, c'est vrai. 37 ans. Mais sur la photo d'Esperanza dans la tranchée, ils ont tous le même âge. Celui de la fatigue et de la misère. Eh bien, j'espère que la nuit te portera conseil. Bonne nuit, Mathilde. Bonne nuit, Sylvain. Sylvain, je sais. Les bottes. Quelles bottes? L'Esquimau portait des bottes prises à un Allemand. Sauf que quand il a été lâché sur la terre de personne, il ne les avait plus. Le capitaine Favourier avait demandé à l'un de ses soldats de lui échanger ses souliers. Donc, Tina Lombardi se trompe. Bon, qu'est-ce que ça change? Si un ou deux soldats sont sortis vivants de Bingo Crépuscule, rien ne dit que l'Esquimau en faisait partie. Ça laisse plus de chance à Manèche. Allez. Fais de beaux rêves, Mathilde. Bonne nuit, Sylvain. Sylvain, attends. Avant de sortir, apporte-moi mon écritoire, s'il te plaît. Mais tu ne vas pas te mettre à écrire à cette heure-ci, les 11 heures passées. Il faut que je rencontre Élodie Gorde. Qui? Élodie Gorde, la femme du deuxième caporal, celui qui a mené les soldats à Bingo avec Urbain Chardolo. Un certain monsieur Pire, détective, m'a donné son adresse. Pire. Avec un nom pareil, je ne lui ferai pas confiance à ta place. Bon, tiens. Merci. Voilà. Si j'arrive à comprendre pourquoi l'Esquimau et Benjamin Gorde, alias Biscotte, se sont brouillés avant de se réconcilier là-bas à Bingo Crépuscule, je saurai peut-être le fin mot de l'histoire. Tu ne changeras jamais. Sylvain, attends. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, pardon. Chère Madame Gorde, je m'appelle Mathilde Donnet. Monsieur Germain Pire a eu l'obligeance de m'indiquer votre adresse. Si je me permets de vous écrire, c'est parce que je suis à la recherche. C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo. Adaptation Catel Guillou. Quatrième épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Olivier Broche, Germain Pire, Hervé Furic, Pierre-Marie Rouvière, Johanna Nizard, Tina Lombardi, Didier Brice, Petit Louis, Nicolas Gonzalez, le caporal Urbain Chardolo, Agathe Le Bourdonnec, Mathilde Enfant, Sophie Froissart, Manèche Enfant, Anna Amélie Heinz, Véronique Passavant, Vincent Schmitt, le père de Mathilde, Aurélie Billedou, la mère de Mathilde, Anne-Sophie Picard, Paulette, la domestique, Justin Blancart, Adolphe le prince, Françoise Gaziot, Madame Chardelot, et bien d'autres. Bruitage Bertrand Amiel. Équipe de réalisation Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zand. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.